Document 3, page 19. C'est combien le café, s'il vous plaît ? 1,50€. Voilà. Excusez-moi, mais vous finissez à quelle heure ? À 19h. Vous aimez le jazz ? Oui. J'ai 2 places pour un concert et mon ami est malade. Ça vous intéresse ? Bien sûr. On se retrouve où et à quelle heure ? Eh bien, rendez-vous à 20h ici.